Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Herbert Le Porrier était né en 1913 à Tchernovitz, aujourd'hui en Ukraine, qui fut aussi la ville natale d'Aaron Appelfeld et de Paul Celan. Il avait 20 ans quand il immigra en France, où il fit ses études de médecine. Médecin de campagne, engagé dans la résistance, c'est de la période de l'occupation que datent ses premiers écrits. Après-guerre, Herbert Le Porrier mènera de front sa profession de médecin et un travail d'écrivain. Romancier, dramaturge, essayiste, chroniqueur, il fut aussi critique aux lettres françaises. En 1972, il était invité dans l'émission Les mots-clés à réagir aux mots que lui soumettait Pierre Lhoste. Il évoquait sa rencontre et son amitié avec Louise Hervieux et l'admiration qu'il avait pour Michel Simon. Il rappelait aussi que le réalisateur Otto Preminger était son cousin germain, affirmait que leur relation était excellente, Preminger s'étant toujours montré des plus charmants avec lui. Une information qui ne manquera sans doute pas de surprendre ceux qui connaissent la réputation d'effroyable tyran colérique que traînait derrière lui le réalisateur de Laura. Les mots-clés avec Herbert Le Porrier, une émission diffusée la première fois le 21 décembre 1972 sur France Culture. Herbert Le Porrier, vous connaissez la règle du jeu des mots-clés, c'est-à-dire que je vais vous proposer en vrac un certain nombre de noms, un certain nombre de mots, et vous demander ce que chacun d'eux suggère immédiatement à vous. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, en somme, c'est de la psychanalyse que nous faisons. Eh bien, allons-y pour la psychanalyse. 7 ans. 7 ans. On dit que 7 ans, c'est l'âge de raison. Je pense qu'en un sens, c'est vrai, parce que l'enfant à 7 ans est capable, pour la première fois de sa vie, de concevoir l'abstraction, c'est-à-dire de savoir que 1 et 1 font 2, non pas en calculant sur les doigts, mais en calculant dans sa tête. Mais cela étant, 7 ans est une limite purement arbitraire. Je n'ai pas gardé de souvenir, moi, de mes 7 ans, sauf que j'étais à l'école communale, et que j'étais un enfant plutôt malheureux à l'époque. Les mathématiques. Ah, les mathématiques, c'est un grand sujet. Je suis, vous le savez sans doute, fils de mathématicien. Mon père était mathématicien, et il m'a en quelque sorte instillé le goût des mathématiques avec le germe. Je pense que le fait que mon père ait été mathématicien était contraignant pour moi. Je devais être bon en mathématiques, et je l'étais effectivement pendant toute ma vie de lycéen. Ce qui ne veut pas dire que je sois bon en calcul, parce qu'aujourd'hui, 2 et 2, ça m'embarrasse. Mais enfin, j'ai une certaine facilité pour les mathématiques. Je pense que les mathématiques, ou la mathématique, comme on dit maintenant, pour parler en termes modernes, est à l'origine de toute notre vie contemporaine, à la fois technique et scientifique. La femme. Alors ça, ce n'est pas un mot-clé, c'est un mot piège. C'est un mot immense. Pour ma part, je tiens la femme pour le chef-d'œuvre de la nature. Elle lutte actuellement pour avoir des droits égaux, mais je pense que c'est nous qui devrions lutter, et lutter durement pour atteindre à l'égalité avec la femme. Elle est d'abord beaucoup plus belle que l'homme. Je pense qu'elle est plus fine, plus intelligente, plus prompte, plus résistante, plus disposée à se donner entièrement que l'homme. Elle est moins égoïste, moins calculatrice, moins mesquine que l'homme. Cela ne veut pas dire qu'elle ne soit pas, elle aussi, à certaines heures, calculatrice, mesquine, abjecte parfois. Mais c'est quand elle le veut bien. Je pense que c'est délibéré chez elle, et je crois que nous n'en finirions pas, nous passerions 3 quarts d'heure à parler de ce sujet-là. Je crois qu'il est préférable de passer à un autre mot-clé. Budapest. Alors Budapest a été un grand choc pour moi, et comme pour beaucoup de Français qui se disent intellectuels de gauche, L'occupation de Budapest par les chars soviétiques a été pour moi un drame personnel. Je me suis demandé si j'avais été hongrois, si j'avais vécu à Budapest en 1956, qu'aurais-je fait et quelle aurait été mon attitude personnelle. Et vous savez que lorsqu'on se pose des questions et lorsqu'on ne trouve pas la réponse, la seule façon encore d'y répondre, c'est d'écrire un livre. Ce que j'ai fait. J'ai fait un livre copieux où j'ai essayé d'imaginer ce qu'un autre moi-même, c'est-à-dire un personnage inventé, aurait pensé, fait, inséré dans les événements de Budapest que vous connaissez. Et vous savez aussi que ces événements se sont répétés depuis, parce qu'il n'y a pas que Budapest, il y a Prague. Il y aura probablement encore d'autres vocables de ce nom-là qui vont évoquer un phénomène qui est celui de notre temps. Dire que j'ai résolu l'affaire n'est pas le cas, je ne l'ai même pas résolu pour moi, parce que je serais aussi perplexe aujourd'hui si j'étais tchécoslovaque vivant à Prague. Otto Preminger. Eh bien, Otto Preminger, que l'on connaît amplement, et aussi bien en France que dans le monde entier, est mon cousin. Il est mon cousin du côté maternel, puisque, et très proche cousin, puisque son père et ma mère étaient frères et sœurs. Je dois dire qu'Otto Preminger a toujours tenu sa famille dans un souverain mépris ou dans une souveraine négligence, et je fais exception, je crois que je suis la seule exception, parce que il m'aime bien. Chaque fois qu'il vient à Paris, il me téléphone de New York pour m'annoncer sa visite, et pendant les 3, 4 ou 5 jours qu'il est à Paris, nous ne nous quittons pratiquement pas. Cela dit, nos relations sont strictement personnelles et sur le plan du travail, du métier, nous ne nous sommes jamais rencontrés et nous ne nous rencontrerons sans doute jamais. L'écriture. Eh bien, l'écriture, je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement par là, c'est sans doute à la littérature que vous pensez. On ne peut pas les confondre les deux, vous savez, tout le monde écrit. Tout le monde se sert de l'écriture. L'écriture est un bien commun, tandis que la littérature est tout de même, disons, un privilège qui appartient à quelques-uns. Il y a le problème de l'écriture dans la littérature. Alors là aussi, ça demande un développement. Je ne tiens pas, quoi qu'en pensent certains, l'écriture pour primordiale dans la littérature. L'écriture est le climat général de la littérature. C'est sa condition d'être. Il n'y aurait pas de littérature sans écriture, cela va de soi. Que l'écriture doit correspondre à son objet, cela va de soi également. Mais qu'on fasse de l'écriture une fin en soi, et qu'on fasse de l'écriture, par le truchement d'un esthétisme forcé, la fin même de la littérature, ça, ce n'est pas tout à fait mon point de vue non plus. On n'écrit pas pour écrire, on écrit parce qu'on veut exprimer, dire ou faire savoir quelque chose, rendre clair quelque chose. Alors, l'écriture est donc avant tout, même pour l'écrivain, du moins pour certains, du moins pour moi, si vous voulez, l'écriture est un instrument. C'est un instrument qui doit être à la fois fonctionnel, et vous savez que le fonctionnel n'exclut pas l'esthétique, mais l'esthétique intrinsèque. Je crois que nous pourrions prendre un exemple dans l'architecture, et plus spécialement l'architecture romaine. Vous ne verrez pas sur un monument romain une enjolivure qui ne soit pas en même temps fonctionnelle. Il n'y a aucune trace d'embellissement voulu. Mais la chose fonctionnelle, la chose qui est nécessaire pour soutenir un chapiteau, a été faite aussi belle que possible, aussi agréable pour l'œil que possible. Eh bien, cela, l'équivalent dans l'écriture se retrouve également. La phrase qui est nécessaire et suffisante pour exprimer une certaine pensée doit être ou peut être faite belle. Elle peut ne pas l'être. Quand elle l'est, c'est de surcroît, si vous voulez. C'est donné en plus. Mais faire de cet esthétisme le fond même et l'essence même et la fin de l'écriture, ça m'apparaît une aberration formelle que je ne suis pas du tout. La rue des Saints-Pères. La rue des Saints-Pères est une très vieille rue qui a pour avantage de m'abriter, si je puis dire. J'y vis depuis 35 ans. J'y suis fort heureux, c'est une rue bruyante, à la fois insupportable et fascinante. Elle sépare, vous le savez bien, elle sépare deux mondes, deux arrondissements parisiens, le 6e qui est réputé être l'arrondissement des intellectuels, et le 7e qui est un arrondissement très bourgeois, très stagnant, très monolithique, très peu remuant. Alors d'un côté ça bouge beaucoup et de l'autre côté ça bouge très peu, et je suis là juste au milieu entre les deux. C'est une rue fascinante par le fait que chaque magasin est ou un magasin d'antiquaires ou un libraire ou un marchand de peinture ou une exposition de peinture. Les maisons y sont belles, sont historiques. Savez-vous que dans la rue des Saints-Pères, j'ai appris il y a très peu de temps que le 30 de la rue des Saints-Pères ou le 36 était la maison où habitait Marat et où il a été assassiné. Et je vis dans cette rue des Saints-Pères depuis 35 ans. Il a fallu que je la prenne il y a 15 jours ou 3 semaines, que Marat habitait cette rue un peu plus haut. Et quand on me demande si j'aime voyager, si j'aime aller ailleurs, je réponds infailliblement. Je n'aime pas trop voyager parce que je ne connais pas bien la rue des Saints-Pères. Et c'est vrai que je ne la connais pas tout en habitant depuis 35 ans dans cette rue. La bactériologie. Oh, la bactériologie fait aussi partie de mon passé, c'est un mot spécifique alors cette fois-ci. La bactériologie a été une des raisons pour laquelle je me suis engagé dans la médecine. L'aventure de Pasteur, la découverte de la microbiologie, c'est ainsi qu'il faut l'appeler, de tout ce monde grouillant que nous ne voyons pas de nos yeux, mais qu'il faut découvrir avec des instruments extraordinaires qui sont les microscopes et même le microscope électronique. Ce monde mystérieux qui est à la fois ami et hostile, parce que sans les germes, sans les microbes, nous ne serions incapables de vivre. Mais de temps en temps, il nous tue également. La découverte de Pasteur, dis-je, et surtout l'incompréhension à laquelle il s'est heurté au départ, et c'était une incompréhension qui était dogmatique, déterminée par la France chrétienne, si vous voulez, qui ne pouvait pas admettre qu'il y eût une bactériologie, comme elle n'a pas admis que la Terre pouvait tourner. J'ai lu cela lycéen, je me suis attaché à la personne de Pasteur, et je crois que c'est ça finalement qui m'a déterminé à entrer en médecine, comme on entre dans des ordres. Et quand j'étais au terme de mes études, j'ai fait un diplôme de bactériologie pour épuiser en quelque sorte le sujet. Mais je dois dire que la bactériologie actuellement est très largement dépassée, si vous voulez, c'est un point historique dans la médecine, c'est une grande époque de la médecine, et elle a donné ce qu'elle pouvait donner. Elle a beaucoup enrichi nos connaissances, mais nous en sommes sortis et de très loin. Galilée, vous faites sans doute allusion à la pièce que j'ai faite sur Galilée qui s'appelle « Et pourtant il tourne ». Galilée, il faut que je vous dise pourquoi Galilée, parce que je me trouvais, c'était à la fin de l'occupation, je faisais partie d'un réseau de résistance, et naturellement la question me hantait, lorsqu'on sait quelque chose, lorsqu'on tient quelque chose pour vrai, et je tenais pour vrai par exemple le combat que je menais, était-il préférable de mourir pour cette vérité ou de composer avec elle, éventuellement de tricher pour survivre, pour essayer de la porter encore, pour la pousser davantage, cette vérité-là. Et par transposition, je suis arrivé à Galilée. J'ai écrit cette pièce en 1944, à la dernière année de l'occupation, et le problème essentiel était: faut-il ou ne faut-il pas mourir pour une conviction ou pour une idée? Est-il préférable de mourir ou est-il préférable, comme l'a fait Galilée d'ailleurs, d'abjurer pour sauver sa vie, non pas lâchement comme on l'a dit, mais comme il l'a dit lui-même, pour cajoler encore un petit peu sa vision du monde, pour la voir grandir, pour l'imposer, pour essayer de l'imposer en dépit de toutes les interdictions, en dépit de tous les interdits, en dépit même du risque qu'il encourait. Et je crois que c'est ainsi qu'il a, lui, pour son compte, résolu la question, et ainsi que je l'aurais peut-être moi résolu pour le mien. Mourir pour une idée, ça ne signifie rien finalement, et c'est relativement facile. C'est une attitude de monobloc. Je crois cela, tuez-moi, je n'en démords pas, je crois cela. Or, quand on pense à la fragilité de notre entendement, de nos facultés mentales en général, à notre savoir, je crois qu'il n'y a aucune idée, quelle qu'elle soit, qui mérite qu'on meure pour elle. La mode. Oh, ça m'intéresse très peu. La mode est quelque chose qui passe, et il est bien entendu que tout ce qui passe et se renouvelle est la chose la plus durable qui soit, finalement. Parce que ça change. Et le changement, j'aime le changement, bien sûr, mais tout ce qui est mode, que ce soit dans l'habillement, que ce soit en littérature, en musique, en système de pensée, ça m'intéresse très peu. Louise Hervieux était une grande découverte pour moi et une très, très, très chère amie. Je me souviens encore, je vais vous raconter comment j'ai découvert Louise Hervieux. J'étais médecin en Normandie, médecin de campagne, pendant la guerre, lorsque un soir, la bonne sœur du couvent est venue me chercher pour une malade. En me disant, figurez-vous docteur, c'est une malade qui est décorée, elle a la Légion d'honneur. Ça doit être quelqu'un. Et c'était Louise Hervieux qui m'appelait, parce qu'elle avait une petite douleur quelque part, comme elle en a eu tout le temps d'ailleurs. Et puis, je suis entré chez cette femme pour y faire une visite de médecin, qui dure, disons, médecin de campagne, qui dure entre 5 et 7 minutes, et je suis resté 3 heures. Et je suis retourné chez Louise Hervieux pratiquement tous les jours, chaque fois que j'avais un moment. Non pas qu'elle ait été plus malade par mes soins, ou à cause de mes soins, ou grâce à mes soins, parce qu'elle était absolument fascinante. Cette personne qui ne quittait pas son lit, qui était en ouverture totale au monde, qui était en correspondance avec tout le, avec le monde entier, qui m'a montré des lettres qu'elle recevait à l'époque. Ce n'était pas tout à fait une référence, mais c'était impressionnant. Lettres de Pétain, lettres de tous les grands intellectuels du monde, et qui savait tout ce qui se passe dans le monde. Et qui ne quittait pas son lit. Elle était l'antithèse d'une personne vivante, et pourtant elle était extrêmement vivante dans son lit. C'était prodigieux, ce squelette, cette femme décharnée. Je me suis beaucoup attaché à elle. Vous savez quel peintre, non pas peintre, disons dessinateur incomparable elle était. Je crois qu'elle a exprimé toute la joie de vivre et toute la douleur du monde avec son fusain sur du papier blanc. Je ne crois pas que quelqu'un avec des moyens aussi limités que du papier blanc et un crayon noir ait pu exprimer autant de choses que Louise Hervieux avec son crayon. Et encore, elle ne voyait pas clair, vous savez comment elle travaillait, avec une loupe grossissante, penchée sur son papier avec beaucoup de mal, et elle gribouillait sur son papier et en sortait les chefs-d'œuvre que vous connaissez. J'ai été ensuite avec le docteur Cavaillon, ceux qui l'ont ramené de Normandie à Paris dans son appartement rue du Cherche-Midi. Nous le faisons également souvent visite. De là, elle est passée chez Michel Simon. Et je crois que j'ai été celui qui lui a fermé les yeux à l'hôpital de Versailles quand elle est morte. Le violon fait partie de mes amours d'enfance qui se sont étirés dans l'âge mûr. Lorsque j'étais tout jeune, tout enfant, je crois que je n'avais pas encore 7 ans, puisque nous avons commencé avec les 7 ans. Je n'avais pas 7 ans lorsque mon père un jour est rentré à la maison avec un violon sous le bras. Et en amateur qu'il était, il a joué pour moi Au clair de la lune. Et il a posé le violon sur l'armoire pour que je ne puisse pas l'attraper. Mais vous savez, un gosse monté sur une table ou sur une chaise, il attrape tout ce qu'il veut, et j'ai attrapé le violon. Et lorsque mon père est rentré le soir, il m'a entendu gratter Au clair de la lune sur son violon, j'avais 5 ans. On a donc décidé que j'étais très doué pour le violon. On m'a montré à un grand maître, qui a trouvé en plus que j'avais une oreille absolue, et on m'a mis à l'apprentissage du violon. Et j'ai été massacré, alors positivement massacré, jusque vers 10-12 ans. On m'a appris exactement ce qu'on ne devait pas m'apprendre, et tout ce que j'aurais pu apprendre, on ne me l'a pas appris. On a tout de même réussi à me dégoûter totalement de la musique, et j'ai lâché le violon vers 15-16 ans pour continuer mes études, et je l'ai redécouvert 30 ans après, à la suite d'un hasard assez extraordinaire aussi, un jour, comme je n'avais plus d'instrument chez moi, un jour, comme je descendais avec ma voiture la rue de Rome, il y avait une place de stationnement devant un magasin de luthier. J'avais une demi-heure de libre, alors imaginez ce concours de circonstances. Un luthier, une place libre pour la voiture, et moi j'avais le temps. Alors je suis entré chez ce luthier, je lui ai demandé de me montrer des violons, il m'a montré un tyrolien du XVIIe siècle, et je suis tombé éperdument amoureux de ce violon, et je l'ai acheté, et j'ai repris le travail du violon, et j'ai constaté, à ma grande surprise, que je travaillais beaucoup mieux cet instrument à 40 ans que je ne l'avais travaillé à 15 ou 16. Et lorsque je suis énervé, lorsque la vie me pèse, lorsque j'ai un problème difficile, je prends mon violon et tout se clarifie, tout s'aplanit, tout devient simple et limpide. Le prix du roman populiste. Le prix du roman populiste m'est tombé dessus pour un livre qui s'appelle « Juliette au passage ». Je dois dire que ce prix, je l'avais convoité deux fois déjà avec deux autres romans précédents. Je considérais que c'était le sommet de ce qu'un jeune romancier pouvait atteindre et espérer. Et puis un beau jour, j'ai publié ce livre et on m'a téléphoné en me disant « Vous avez le prix du roman populiste ». Et depuis, on m'a demandé de faire partie du jury et j'ai vu avec quelle simplicité, avec quelle gentillesse et avec quel sérieux cela se discute parmi les membres du jury. D'ailleurs, je dois dire, et je voudrais rendre hommage, nous avons perdu cette année notre animatrice, Sophie Stamba, et je ne sais pas du tout ce que ce prix va devenir maintenant. La nuit. L'ennui ou la nuit ? La nuit. La nuit. La nuit. La nuit ne me fait pas peur. Je dors. Je dors bien. Je dors comme un homme sans problème. La vie. Ah, la vie est... Et c'est difficile d'en parler parce que on voudrait la mystifier ou plutôt la sacraliser. On voudrait en faire un don. On voudrait en faire un phénomène particulier dont on ne connaît pas l'origine, dont on ne sait pas l'aboutissement. Et pourtant, quand on s'est frotté un petit peu à la biologie, quand on a démonté les mécanismes, je ne dis pas qu'on sait ce que c'est la vie, bien sûr. Je ne sais pas plus que vous, ni personne, ce qu'est la vie. Et puis, il faut nuancer. Il y a la vie en général, il y a notre vie, celle que nous devons vivre en particulier. Et ce sont deux conceptions, deux concepts qui sont inconciliables finalement, parce que nous pouvons avoir les idées que nous voulons sur la vie en général, il reste que nous avons une vie à vivre, que cette vie est unique, elle est irremplaçable, elle n'est justifiée par rien. On peut lui appliquer la parabole de l'auberge espagnole, on en fait ce qu'on peut, on en fait ce qu'on y apporte, il faut donc la remplir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas autre chose, nous n'avons que cela, nous avons cette vie à vivre. Et la raccourcir, l'abréger, ne pas la vivre, ça n'a pas de sens. Je pense que d'autre part, elle est pleine d'imprévus, elle est pleine d'agréments, ou elle peut être pleine d'agréments ou de désagréments aussi, bien sûr. Il y a cette promesse aussi permanente de bonheur, non pas de bonheur, mais de bonne heure, ou d'une bonne heure à passer, qui vous dédommage de tant d'heures passées dans la peine. Et puis cette vie aussi, il faut la perpétuer. On a eu des enfants, on les a élevés, on en est au stade où eux-mêmes ont pris la relève, ils ont fait des enfants. On sait bien, et je sais bien que pour l'individu, tout ça s'arrêtera un jour, que c'est irrémédiable, que c'est définitif, que ça fait partie de notre condition humaine. Mais de là à extrapoler sur la vie elle-même que certaines bonnes consciences veulent sacraliser, dont on a voulu faire un don du ciel. Alors là, je n'accepte pas tout à fait cette façon de voir. Si on pense que la vie est unique et remplaçable, si on pense qu'elle est estimable, il faut l'estimer dans son ensemble. Et de ce point de vue, par exemple, les philosophies et les dogmes d'Orient sont beaucoup plus proches d'une réalité que les nôtres. Parce que si le christianisme a magnifié la vie humaine, plus spécialement la vie de l'homme, en reléguant tout le reste dans une espèce de néant, en Orient, si on magnifie la vie, c'est la vie globalement, l'homme y compris, et non pas l'homme en tête. L'homme pouvant démolir la vie des autres à son gré, parce que l'univers serait à son service, ce qui est une aberration, ce qui est une folie. Le secret professionnel. Oui, mais le secret professionnel est lié à ma profession, comme son nom l'indique, à beaucoup de professions et à la mienne aussi. Vous savez que nous jurons, nous avons le serment d'Hippocrate qui existe toujours, qui subsiste dans sa formulation la plus intégrale, et qu'il faut réellement jurer, mais ce serment finalement n'engage à rien. Je pense qu'aucune médecine ne serait possible, comme d'ailleurs la prêtrise serait impossible, si le secret professionnel n'était pas absolu. Tout ce que j'aurais appris dans l'exercice de ma profession ne doit pas être trahi, ne doit pas être rapporté. Et alors ici, je fais une petite parenthèse, parce qu'on m'a souvent soupçonné de faire de la littérature, ou plus exactement d'alimenter la littérature avec mon activité de médecin, ce qui est absolument stupide. Si la médecine m'a apporté une façon particulière d'entrer dans la vie de l'homme, ça n'est finalement qu'un instrument qui m'a appris à me servir des mots également et à raconter autre chose. Mais à aucun moment et jamais, la médecine n'a directement alimenté la littérature, comme inversement, la littérature n'a alimenté la médecine. Ce sont deux façons d'être totalement séparées, et je pense qu'il est relativement facile, et je ne comprends pas que des gens ne le comprennent pas, qu'on puisse être un médecin à certaines heures et écrivain à d'autres heures sans mélanger les deux. Duc. Ah, Duc, et le chien est un gros chien que j'ai recueilli il y a une douzaine d'années, qui est maintenant centenaire, c'est-à-dire il doit avoir, en transposant, une centaine d'années. Nous sommes tous très tristes parce qu'il est très vieux, il est sourd, il est à moitié paralysé, mais je le garde quand même parce que c'est notre compagnon depuis très longtemps. La douleur. Ah, je voudrais vous rappeler que René le Riche a écrit un livre admirable sur la douleur. La douleur n'a pas de sens. On a voulu donner à la douleur une raison existentielle, ce qui est absolument aberrant. C'est quelque chose d'insupportable. J'ai pour ma part connu des périodes où j'ai beaucoup souffert physiquement de certains maux. Et je dois dire que, qu'elle soit intense, ou brève, ou prolongée, si l'enfer existe, c'est bien la douleur qui est l'enfer. C'est pas le feu, c'est la douleur, quelle qu'elle soit. La rage de dents ou la rage au ventre, c'est exactement pareil, c'est la douleur. Bon, la science moderne est capable de soulager la douleur, mais sur le plan scientifique, vraiment, elle n'a jamais été étudiée complètement. On ne sait pas ce que c'est que la douleur. Nous ne savons pas à quoi elle sert. Nous ne savons pas d'où elle vient. On ne sait pas à quoi elle sert. Il y a des douleurs qui sont utiles, dit-on, d'autres qui sont parfaitement inutiles. Tout ce que je puis vous dire, c'est que je ne souhaite à personne de la connaître, la douleur physique, et que pour ma part, je la fuis autant que je peux. La colère. La colère est un signe de faiblesse. Lorsqu'on se trouve devant un obstacle, quel qu'il soit, et que l'on sent qu'on n'est pas apte à le franchir, on se met volontiers en colère. Pour ma part, je m'en garde. Je ne suis pas coléreux. Je ne me souviens pas avoir piqué de grosses colères dans ma vie. Je la tiens pour totalement improductive, nulle, déplaisante, qui finalement ne résout rien. C'est une reconnaissance d'incapacité, c'est un point, c'est tout. Voilà la colère. Le sport. Je suis finalement très peu sportif. Et il y a une raison à cela. Lorsque j'étais très jeune, j'avais été atteint de rhumatisme articulaire aigu. C'était plutôt un faux rhumatisme parce que rétrospectivement, le médecin que je suis devenu m'a suggéré que ça devait être un faux diagnostic. Mais on m'a maintenu au lit quand même pendant 6 mois et on m'a interdit le sport. Et alors, à l'époque, évidemment, entre 12 et 18 ans, ça m'a beaucoup manqué. Et par la suite, je me suis fait une raison, j'ai peu pratiqué le sport, j'ai fait partie du groupement des écrivains sportifs, bien entendu, comme chacun qui se respecte. Mais personnellement, je n'ai pas pratiqué le sport. Je préfère des activités manuelles plus prosaïques, comme le labour, par exemple, ou le soin de fleurs, ou, par exemple, du bon bricolage en menuiserie ou en taille de pierre. Ça, c'est mon sport, c'est mon golf. Michel Simon. Ah, vous parlez de Michel Simon, c'est, je crois, un des derniers, sinon le dernier grand comédien du théâtre français qui, malheureusement, ne paraît pas assez souvent ni sur nos écrans, ni sur nos scènes. C'est un caractère difficile, on le sait, mais c'est une personne assez extraordinaire et il faut admettre qu'une personne extraordinaire puisse avoir un caractère difficile. C'est un merveilleux acteur, c'est un homme d'une générosité folle, c'est un homme qui ne calcule pas, c'est un homme qui se donne tout entier à son art et à ses amis. Je sais avec quel dévouement il a soigné Louis Hervieux dont nous avons parlé tout à l'heure, je sais avec quel extraordinaire dévouement il s'occupe de ses amis, je sais combien il est en même temps aigri parce que le monde ne lui va pas à la cheville, le monde des hommes que nous vivons, parce qu'autour de lui et autour de nous d'ailleurs, il n'y a que médiocrité, il n'y a que médisance, il n'y a que malveillance, et c'est vraiment le pic qui sort de tout cela, c'est la montagne, et il ne peut pas supporter les gens de la plaine parce qu'ils sont trop terre à terre. Cela dit, je l'admire, c'est tout ce que je peux dire. Je vous répondrai par une phrase courte. L'humour, j'aime assez. Je crois que j'ai le sens de l'humour, c'est-à-dire j'aime bien rire, j'aime ce qui est drôle, une certaine forme d'humour. Plutôt l'ironie que l'humour véritable. L'ironie non pas méchante, mais l'ironie productive, positive, l'ironie qui met à jour les travers, les faiblesses, les oppositions. Je crois qu'on en trouve dans mes livres, disséminé en bonne place. J'aime le bon rire franc, le rire franc qui résulte d'une situation, par exemple, ou d'un bon mot, d'un mot d'esprit, et Dieu sait s'il y a des gens qui ont de l'esprit pour en faire. Je crois que j'ai un peu l'humour de l'escalier, si vous voulez, parce que je ris souvent après. Mais c'est le meilleur humour, par exemple, parce que celui-là, il reste. Les mots restent, et on s'en souvient, et on en rit longtemps. L'argent. L'argent, c'est comme le sport, ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai eu 2 professions, à la fois la littérature et la médecine, et j'ai forcément été obligé de négliger l'une et l'autre pour pouvoir les fréquenter toutes les deux. Par conséquent, la part productive en médecine, qui arrive à partir d'un certain seuil, ou la part productive en littérature, qui elle aussi arrive à partir d'un certain seuil, eh bien je n'ai jamais eu le temps d'y entrer, par conséquent d'en profiter, si l'on peut dire. Finalement, je suis non pas modeste, mais je me contente de ce que je peux avoir, Du moment que je suis rassasié, je mange fort peu, que j'ai de quoi me vêtir, que je peux respirer un peu d'air pur à la campagne une fois par semaine, il ne m'en faut pas plus. La peine de mort. Eh bien, je vous dirai tout de suite que je suis contre. On en a beaucoup parlé récemment à propos de la double exécution qui vient d'avoir lieu, et surtout, en théorie, il est bien entendu qu'elle ne résout rien. Elle n'a jamais rien résolu, et je trouve ça assez scandaleux, par exemple, que nous soyons, nous, en France, avec la Grèce et l'Espagne, les derniers pays où cette peine infamante est encore appliquée. Elle ne résout rien parce que c'est la loi du talion, c'est simplement une vengeance, une basse vengeance de la société qui ne sait que faire de certains citoyens qui sont antisociaux ou asociaux, et qui, dans certaines circonstances, les met à mort, comme on met à mort un bœuf, par exemple, à la boucherie, parce qu'on a besoin de faire de la viande. Ici, le but n'est pas utilitaire, il est utilitaire au second degré, mais je suis absolument contre. Les hippies. Je les connais très peu. Je dois dire qu'ils ont ma sympathie. Ou plutôt, je les comprends. Je comprends que dans ce monde complexifié, qui devient presque invivable, où il est difficile de faire un choix pour rejeter certaines choses et en accepter d'autres, ce qui est déjà un signe de sagesse, ce que nous, si vous voulez, après un certain vécu, nous pouvons faire un tri. Mais lorsqu'on a 18 ans et lorsque ce tri n'est pas encore possible, il convient ou d'accepter ou de refuser, mais tout en bloc. Et je comprends fort bien les hippies qui refusent tout en bloc, parce que finalement, cette vie sociale telle qu'elle nous est proposée contient plus de choses à rejeter qu'à accepter. Et lorsqu'on ne peut pas en faire le tri, il faut la rejeter, c'est ce que font les hippies. Le théâtre. Ah, le théâtre est comme la femme, c'est le chef-d'œuvre de l'art. C'est vraiment le moyen d'expression le plus complet qui soit, à la fois, je vous dirais que des banalités, bien sûr, à la fois visuel, auditif, tactile, si l'on peut y arriver. Je suis toujours, d'ailleurs, extrêmement séduit par le théâtre. Je m'y suis lancé un jour comme ça, à tête perdue, j'ai fait une pièce, elle a été jouée. Elle n'a eu aucun succès, mais ça ne m'a pas empêché de récidiver. J'en ai fait une dizaine qui ont toutes été jouées. Ce qui est le plus beau, voyez-vous, dans le théâtre, c'est comme dans la sagesse. Ce n'est pas de la voir, mais c'est de la chercher. La recherche de la sagesse qui est très supérieure à la sagesse elle-même. Ce qui est le plus beau dans le théâtre, c'est l'expérience théâtrale avant la générale. Quand des comédiens, avec toute leur bonne volonté, leur talent, se mettent à ingurgiter, à assimiler un texte qui est de vous, quand le metteur en scène essaye de donner le meilleur de lui-même pour coordonner tout cela, ce sont vraiment des heures inoubliables, et c'est ce qui est le plus agréable dans le théâtre, c'est cette période d'apprentissage, si vous voulez, de la pièce, qui dure entre 3 et 6 ou 7 semaines. Et lorsque le soir de la générale ou de la première arrive, c'est un objet étranger, c'est quelque chose de totalement différent qui vous est proposé. Et à ce moment-là, on n'a plus qu'une envie, c'est de s'en aller, de fuir, parce que ça n'est plus à vous. On est totalement dépossédé. L'érotisme. Alors, c'est le contraire de la peine de mort. Là, je suis plutôt pour. L'érotisme, vous ne savez peut-être pas que j'ai fait un essai là-dessus. L'amour au microscope, c'est pas dans vos petits papiers. L'érotisme, c'est l'amour même. C'est tout ce qui permet l'amour, tout ce qui dispose l'être humain que nous sommes, bisexué que nous sommes, à nous chercher, à nous accepter, ce qui est plus important encore qu'à nous trouver, et puis finalement à nous fondre pour le but de notre satisfaction et secondairement celui de nous prolonger soit dans un souvenir, soit dans une nouvelle vie. Tout le lit de l'amour, c'est l'érotisme. On en a fait un abus en ce moment. On a voulu séparer l'érotisme de son contexte. Mais l'érotisme est une tranche de notre vie. Et je ne peux pas concevoir qu'une vie humaine ne soit pas érotique, c'est-à-dire ne tende pas à l'amour partagé, à l'amour accompli. Et si, grâce à l'érotisme, Cela n'était pas possible. Je crois que l'espèce humaine ne se serait pas survécue et nous ne serions plus là. La gloire. Alors là, vous me lancez une pique, parce que je connais des gens qui sont glorieux. Vous savez que pour ma part, je ne le suis pas. Je ne vous dirai pas que je ne l'ai pas espéré à un moment donné. Et puis, on m'a tellement dit, du moins ceux qui étaient glorieux, que la gloire était quelque chose de très décevant, finalement, qu'il a bien fallu que je me fasse une raison en ce qui me concerne. Eh bien, je ne la désire plus. Je ne pense pas qu'elle puisse encore arriver. Et puis, c'est finalement sans intérêt. Je crois que la gloire, finalement, la gloire vous détourne de votre chemin véritable. Lorsqu'elle arrive, elle fait de vous quelqu'un d'autre. Et cet autre s'en va où vous n'auriez pas envie d'aller. Alors, par conséquent, restons dans nos sentiers et ne provoquons pas trop cette malédiction qu'est la gloire. La drogue. Je ne l'ai pas connue, ni pour moi, ni dans mon entourage. Je sais que le monde actuel s'en inquiète beaucoup. Je comprends d'ailleurs les raisons qui font que la drogue se répand, qui sont les mêmes raisons d'ailleurs qui font que le hippisme est né et que se répand. C'est un refus de la complexité telle qu'elle est présentée. Et l'âge où la drogue sévit précisément, c'est-à-dire parmi les jeunes, fait que il y a là un danger, bien entendu, un danger pour l'avenir de l'espèce, un danger pour individuel d'ailleurs. Mais je crois que c'est un sujet dont il faut parler, mais qui, moi, me touche peu. Dans mon entourage, je ne connais personne qui en use. Chartres. Chartres est un hasard. Lorsque j'ai commencé à vouloir écrire le roman qui porte ce titre, La Demoiselle de Chartres, il me fallait, pour les nécessités même du récit, un chef-lieu de département où il y eut un tribunal d'instance et qui ne fut pas trop loin de Paris pour que je puisse éventuellement m'y rendre pour vérifier certains détails de la topographie locale. J'avais le choix entre Reims, Versailles ou Chartres. J'ai choisi Chartres par pure commodité parce qu'une route rapide y mène et parce qu'on y est en trois quarts d'heure. Et j'ai fait deux ou trois allers-retours pour vérifier précisément des détails qui étaient nécessaires à mon roman. Mais Chartres est un accident. L'abord. Inévitable. Nous y passons tous. Sur ce plan, nous sommes tous recalés, en fin de compte, quelles que soient nos réussites précédentes. En tous nos examens, c'est le dernier examen, l'examen final, et nous sommes tous recalés. Je ne puis dire que j'en ai peur. Pourtant, comme disait l'autre jour le perpétuel de l'Académie française, je l'ai vu de près, à plusieurs reprises, parce que moi aussi j'étais malade, j'ai subi des interventions, et à un moment donné, je souhaitais même qu'elle vînt, parce que la vie que je vivais, ou telle que je la vivais, m'était devenue intolérable à cause de la douleur dont nous avons déjà parlé. C'est le néant, c'est l'effacement total, c'est la pourriture. Écoutez, c'est un médecin qui vous parle, je sais ce que c'est. Elle ne m'effraie pas, elle ne me fait pas peur, je sais que j'y tends naturellement, je sais que ça m'arrivera, tôt ou tard. Je n'ai pas à m'y préparer, ni moralement, ni physiquement. Je pense que le potentiel de vie que je détiens, lorsqu'il s'amenuisera, lorsqu'il arrivera en fin de course, j'entrerai le plus naturellement possible dans la mort et ça sera la fin pour moi, tout en sachant que la lignée continue dans mes trois enfants, dans mes petits-enfants et ainsi de suite. C'était Herbert Le Porrier au micro de Pierre Lost dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois le 21 décembre 1972 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.